Bienvenue sur cette session, on va parler de la philosophie marxiste. On est parti pour une discussion qui va durer jusqu'à 11h40 avec une pause à 10h15. Et je laisse de suite la parole à Eric pour son introduction. Bon, vas-y. Bon, bah bonjour à tous déjà. Je vais parler debout en bougeant parce que j'ai des racines un peu italiennes, espagnoles, c'est... Vous m'excuserez pour ça. Alors, comme vous avez vu, la présentation va traiter autour de la philosophie marxiste, qu'on appelle aussi matérialisme dialectique. Alors, peut-être déjà avant de commencer, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est la philosophie. Je pense que c'est un peu la question de base avant, pour avoir un peu un socle commun pour comprendre pourquoi on parle de ça. Alors, qu'est-ce que c'est la philosophie ? Je peux vous dire, c'est un peu un truc de vieux grec avec des barbes. Moi, je suis barbu, je ressemble peut-être un peu à un grec, mais c'est pas le point. Non, en fait, en grec ancien, philosophie, ça veut dire amour de la sagesse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, en fait, la philosophie, c'est une démarche de réflexion et de questionnement sur le monde, la connaissance et l'existence humaine. Ça, c'est la définition que vous trouvez si vous ouvrez un dictionnaire. Mais si on veut vraiment regarder et comprendre ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la philosophie, c'est une méthode pour analyser le monde. C'est une méthode pour comprendre le monde, pour comprendre la connaissance humaine, etc. Moi, je crois que c'est Engels qui dit ça. Il dit que la philosophie, c'est la science de la science. Et je trouve que cette phrase-là, elle révèle exactement ce que c'est. C'est qu'en fait, c'est pas une science à proprement parler, c'est-à-dire c'est pas comme les mathématiques ou la biologie ou la chimie, mais c'est une science qui va permettre, dans ces domaines-là, d'orienter sa recherche. C'est une science qui permet d'avoir les modèles logiques pour, lorsqu'on a des résultats empiriques, des résultats d'expérience, pouvoir orienter et dire comment les interpréter, comment arriver vers des théories, comment arriver vers une compréhension en fait, de ces expériences et des résultats qu'elles donnent. Donc, si on pourrait en résumant ça vulgairement, la philosophie, c'est un carcan logique. C'est un carcan d'idées logiques. Et pour le marxisme, ce carcan d'idées logiques nous permet de nous guider dans l'action, d'interpréter en fait les choses qu'on voit dans la société qui se développe, c'est le dialectique matérialiste. C'est ça qu'on utilise, nous, en fait, les marxistes, comme un peu guide pour l'action, guide pour interpréter tous ces... pour qu'on utilise dans notre interprétation des sciences sociales, c'est-à-dire l'histoire, la politique, l'économie. Donc, si vous regardez le nom de cette philosophie, c'est matérialisme dialectique. On va essayer de décortiquer ça. Déjà, comprendre qu'est-ce que c'est le matérialisme. Son origine, ça remonte à la Grèce antique. Donc, il y a eu deux grands... Durant la Grèce antique, c'est des écoles qui existent toujours actuellement. Il y a eu deux grandes écoles qui sont développées de philosophie. C'est le matérialisme et l'idéalisme. Donc, l'idéalisme, son père, c'est Platon. C'est lui qui est considéré comme un peu le père de l'idéalisme. L'idéalisme, c'est un concept comme quoi il n'existe objectivement que des idées. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que tout le monde, tout ce qu'on interprète, cette table-là, tout ça... C'est en fait juste des réflexions de mon esprit, et cette table, en fait, c'est juste un concept, une idée, et son existence réelle, elle n'est pas avérée, c'est juste le concept d'idée qui existe, le concept de table qui existe. Donc ça peut paraître un peu étrange comme ça, mais littéralement, c'est dire que c'est le modèle de la religion, au final, c'est-à-dire qu'il y a une âme, que toute une interprétation de l'esprit. Mais si vous regardez, je sais pas, Matrix, c'est souvent... Je trouve que c'est un bon exemple pour comprendre ce que c'est l'idéalisme. C'est penser que tout est... Si vous regardez ce film, en gros, il est dans un programme informatique, il se rend pas compte de ce que c'est la réalité. Parce que pour lui, ce qu'il voit, c'est une réalité, alors qu'en fait, tout se passe dans sa tête avec un programme informatique. Ça, à la base, c'est une... En fait, le film, il est inspiré d'un livre de Platon qui s'appelle La Caverne, où en fait, les gens pensent voir la réalité, mais en fait, tout ce qu'ils voient, c'est des ombres d'eux-mêmes. Et donc, Platon, il part du principe que tout ce qu'on voit, c'est peut-être qu'une interprétation de notre esprit. Et c'est la base de tout, en fait, de toute la philosophie religieuse. Après, de l'autre côté, vous avez le matérialisme, donc qui est issu de l'école ionienne. Un de ses pères, c'est Épicure. Bon, c'est pas des noms très importants, mais en gros, là, ça part d'un autre principe, c'est-à-dire que la base de tout, c'est la matière. c'est-à-dire tout ce qui est palpable, les atomes, etc. Et qu'au final, l'homme, c'est juste de la matière qui a pris conscience d'elle-même. Donc ça veut dire que toute notre conscience, toute notre façon de penser, elle est issue de notre condition d'existence matérielle. Et donc, ça, là, on vient de comprendre rapidement ce que c'est le matérialisme, qu'est-ce que c'est l'idéalisme. Donc sur quelle base existe tout ça. Et d'un autre côté, vous avez la dialectique. Qu'est-ce que c'est la dialectique? La dialectique, ça vient du mot grec qui veut dire converser. Et à la base, c'était un truc qui était assez utilisé chez l'idéalisme, même si certains penseurs matérialistes de la Grèce antique l'utilisaient aussi. Mais littéralement, Platon et Aristote qui l'utilisaient beaucoup, c'est par une conversation, par une discussion, en fait, on fait une confrontation d'idées. Donc on a une thèse qui vient s'affronter à une antithèse. Et par leur confrontation, par ce mouvement d'idées, on arrive à une synthèse. C'est-à-dire que vous arrivez avec, par exemple, l'idée que le communisme ou que la société va mal. Il y a une autre personne qui vous dit « Ouais, mais il y a ça qui est bien dans la société. » Vous confrontez vos idées. Et après, tu arrives à une compréhension de la société qui est différente, qui est, on va dire, mieux, parce que par ce débat d'idées, tu as amélioré ta compréhension de ton idée, ou tu as transformé ton idée en quelque chose de mieux. Mais chez les matérialistes, comme Héraclite aussi, ça prend une autre vision. C'est comme, on retrouve cette idée de, on ne peut jamais traverser deux fois le même fleuve. C'est-à-dire que vous passez une fois un fleuve, vous ne pouvez pas le repasser une deuxième fois, parce qu'il a... Vu qu'il est toujours en mouvement, il est toujours différent, tout est toujours transformation. Et on retrouve ça aussi chez Démocrite qui va dire que. Lui, il est matérialiste, et il a un peu étudié la dialectique, et pour lui, il va développer sa théorie de l'atome, que tout est constitué d'atomes qui sont en mouvement. C'est des intuitions qui sont. On peut dire, c'est du hasard, mais au final, ces intuitions, elles mènent juste d'une interprétation philosophique assez juste de la société. Enfin, de la société, de la nature. Donc, ces deux courants philosophiques, le matérialisme et l'idéalisme, ils vont exister un peu plus ou moins en même temps durant la Grèce antique. Et après, malheureusement, il y en a un des deux qui va un peu l'emporter sur l'autre, et c'est l'idéalisme, qui va devenir un peu la forme de pensée majeure de tout le Moyen-Âge. On peut se demander pourquoi. Et... Je pense que la principale raison, c'est parce qu'à cette époque-là, on avait un la philosophie, elle est très dépendante du développement des sciences. Plus les sciences, elles sont développées, plus les sciences, elles sont riches en connaissances, plus la philosophie, elle a un terrain pour amener ses idées pour se développer. Parce que plus elle a de matériel pour comprendre le monde, et par sa compréhension du monde, elle donne ces grandes lois générales qui permettent d'interpréter les expériences et la connaissance. Mais le problème de cette époque-là, c'est qu'il y avait une connaissance du monde qui était assez faible, une connaissance scientifique qui était beaucoup moins importante que celle qu'on a actuellement. Ce qui a amené à cette pensée idéaliste à être beaucoup plus dominante, surtout avec l'émergence du christianisme, qui vient juste dire qu'on a tous une âme, et ce genre de choses. À côté de ça, il y a aussi... Je vous ai parlé de la dialectique, mais après, son opposé, c'est la métaphysique. Qu'on appelle aussi logique formelle. La métaphysique ou logique formelle, c'est 2 plus 2 égale 4. C'est voir les choses comme n'étant pas connectées entre elles et voir les choses comme étant absentes de contradiction, absence d'opposé. C'est l'inverse de la dialectique qui, elle, avance qui, elle, comprend le monde comme une entité où tout est relié entre elles et tout est en contradiction et c'est un mouvement de contradiction qui permet de développer la société, la matière, les idées. Pour le moment, c'est peut-être pas si clair que ça, mais vous allez voir, après, ça devient plus clair. Après, à la Renaissance, avec les idées des Lumières, vous avez un retour en force du matérialisme. C'est-à-dire que vous avez Hobbes, Bacon, notamment en Angleterre, qui vont commencer à dire que si on veut prouver quelque chose, que ce qu'on pense par les idées, c'est pas forcément vrai, et si on veut démontrer quelque chose, que quelque chose soit vrai, ça doit venir de l'expérience. En fait, que c'est eux qui vont un peu remettre en place cette démarche empirique des sciences. C'est-à-dire qu'il faut faire des expériences, il faut tester des choses, et c'est par ces expériences, par ce test des choses, qu'on acquiert une compréhension du monde, et pas par des réflexions un peu abstraites, sans expérience et sans vérifier que cela marche dans la réalité, en fait. Et La philosophie des Lumières, ça c'est vraiment un peu un retour en force du matérialisme sur la scène de l'histoire, parce que à ce même moment, il y a le développement du capitalisme marchand, il y a une accumulation de richesses, il y a un renouveau, ce qui fait qu'il y a un renouveau, il y a de plus en plus de gens qui peuvent s'adonner à des activités intellectuelles, à des activités scientifiques, il y a un renouveau dans l'astronomie, dans la chimie, dans d'autres domaines. Merci. Et ce qui se passe, c'est que grâce à ça, avec la bourgeoisie qui est une nouvelle classe sociale ascendante, il va y avoir une remise en cause des anciens modèles de pensée, de la philosophie, et notamment de l'Église catholique et de cette idée d'âme, etc. Et vous allez retrouver chez des personnes comme Voltaire des idées très matérialistes, comme quoi c'est Voltaire qui disait que les hommes ne sont pas mauvais, qu'ils naissent bons, mais que c'est la société qui les corrompt en fait. Que c'est la société qui les pervertit, et que dans une société où les gens auraient des bonnes conditions de vie, des bonnes conditions d'existence matérielle, les gens ne deviendraient pas mauvais ou pervertis, ou n'agiraient pas de manière mauvaise comme actuellement sous le féodalisme. Ça, c'est encore des idées qui sont assez ancrées dans le modèle religieux, d'idées religieuses, d'idéalisme, mais il y a cette base un peu matérialiste qui existe, que les conditions d'existence matérielle, c'est-à-dire qu'un riche ne pense pas de la même manière qu'un pauvre, parce que pour un riche, la société va bien, parce que lui, il vit bien, et que tous les gens autour, et tous les riches autour de lui, tout son entourage social, il vit bien. Mais un pauvre qui vit dans la misère, qui n'arrive pas à se nourrir de sa famille, qui voit plein de gens autour de lui qui n'ont pas de travail ou qui galèrent, etc., lui, il va avoir une autre vision de la société que le riche. Lui, il va être moins optimiste, ou il va moins dire que la société va bien. Ce qui paraît assez logique au final. Ça, c'est les conditions d'existence matérielle sur lesquelles se façonne l'esprit, la façon de penser. À côté de ça, on va avoir aussi un retour en force après la Révolution française de la dialectique, en fait, hein, avec un philosophe qui s'appelle Hegel. Hegel, c'était un homme de science. Il était mathématicien aussi, en plus d'être philosophe. Il était très réputé pour avoir un savoir assez important, très encyclopédique. Et lui, en fait, il va remettre au goût du jour la dialectique sur une base toujours sur une base idéaliste. Lui, c'était un profond idéaliste. Et il va articuler sa dialectique autour de plusieurs lois, c'est-à-dire la transformation de la quantité en qualité. Ça veut dire que une accumulation de changements quantitatifs va de la déboucher sur une qualité nouvelle. Littéralement, vous prenez, c'est l'exemple le plus connu, et vous prenez une bouilloire en eau, d'eau, vous la faites chauffer de 1 degré, c'est toujours de l'eau, 2 degrés, c'est toujours de l'eau, mais arrivée à 100 degrés, elle entre en ébullition, elle se transforme en gaz. Ça, c'est la transformation de la quantité en qualité. Il y a une quantité de chaleur dans de l'eau, au bout d'un moment, l'eau finit par se transformer et à devenir un gaz. Mais si vous regardez une révolution, c'est exactement ça. Vous avez une quantité, en quelque sorte, de mécontentement qui s'accumule au sein de la société, une quantité de contradictions, et au bout d'un certain temps, cette quantité de contradictions, elle devient juste intenable, et ça éclate une révolution qui apporte un nouveau système économique. Après, il y a plein d'autres lois, comme la négation de la négation, où typiquement cette idée de thèse, antithèse, synthèse, on la retrouve, c'est-à-dire qu'une idée, vous avez une idée, elle va se nier une première fois, c'est-à-dire la négation, elle va se renier une nouvelle fois avec la synthèse et réapparaître. Ça, c'est par exemple un phénomène qu'on trouve dans la nature, comme par exemple une fleur qui va se nier une première fois en graine, qui va se redévelopper, bourgeonner et réapparaître dans la nature sous une nouvelle fleur, mais qui a survécu avec les conditions d'évolution et qui se développe et qui évolue. Ça, c'est une négation de la négation. C'est-à-dire que la chose, vous avez une première chose A qui se transforme en B, et qui après se retransforme pas en A, mais en A+, hein. C'est-à-dire quelque chose de renforcé, de meilleur, de mieux. Un des grands mérites de Hegel, qui va être, je pense, c'est un de ses apports les plus importants, c'est qu'il va être un des premiers de son époque, en tout cas, à avoir l'histoire et à avoir une approche de la philosophie de l'histoire où il voit pas ça comme les autres philosophes qui voient ça comme un enchaînement d'accidents. Genre l'histoire, c'est un enchaînement d'accidents. Lui, il voit ça comme quelque chose qui découle, comme un découlement logique. C'est-à-dire que il a une phrase assez puissante où il dit que c'est l'esclavage qui a permis d'abolir l'esclavage. Parce que pour lui, l'esclavage, en développant les forces productives, en développant les conditions, l'économie, il a créé la base pour qu'on n'ait plus besoin de faire d'esclaves. Ça, c'est assez pu. Et juste que les esclaves, ils sont apparus parce qu'à une certaine époque, on avait besoin d'esclaves, et qu'en développant l'économie, on n'avait plus besoin d'esclaves, et du coup, c'est pas un accident si du jour au lendemain, il n'y a plus eu d'esclaves, comme d'autres historiens l'ont interprété, par exemple. Donc on retrouve ce truc de l'histoire que les accidents et la nécessité sont deux choses qui sont corrélatives. C'est-à-dire que, par exemple, ça c'est quelque chose que la logique formelle a tendance à exclure. Vous avez une nécessité et un accident, c'est deux choses totalement différentes. Et lui, il va dire l'accident, c'est juste une manifestation de la nécessité, ou que l'accident peut créer une nécessité. Dans le sens que quelque chose d'accidentel, par exemple comme Jeremy Corbyn, par exemple, on a tendance à dire « Ouais, mais ce mec-là, il n'existait pas, c'était un petit gars, un petit politicien qui sort un peu de nulle part, et du jour au lendemain, il s'est retrouvé à la tête du Labour. » C'est ça, beaucoup de politiciens et beaucoup de journaux sérieux interprètent ça comme un accident. Mais nous, marxistes, on n'interprète pas ça comme un accident, par exemple. On dit juste qu'il y a eu une radicalisation super forte en Angleterre. Les gens, au Labour, il y avait une pression de la base syndicale, une pression de la base des adhérents qui veulent un changement parce que leurs conditions de vie vont mal. Et juste, Jeremy Corbyn, c'est juste la manifestation de cette nécessité. Mais ça se manifeste sous la forme d'un accident. Ça, c'est typiquement ce que Hegel il a réapporté. Mais le problème d'Hegel, c'est qu'il est, comme je l'ai dit au tout début, c'est qu'il est idéaliste. Pour lui, il n'analyse pas le mouvement comme étant quelque chose de matériel, mais comme étant un mouvement en fait d'idées. Pour lui, depuis le début de l'humanité, les hommes ils développent des idées, et en fait ils confrontent leurs idées avec d'autres idées, avec la réalité, etc. Et par ce mouvement, on arrive de plus en plus vers une idée qui est en fait juste. Et lui, il tombe un peu dans une espèce de mysticisme où il dit qu'il y a un peu une espèce d'idée qu'il appelle la vérité absolue, enfin qu'il appelle l'idée absolue ou vérité absolue, ça dépend des traductions, où il dit littéralement que, en fait, l'humanité, par cette confrontation d'idées, elle arrive vers la vérité, en fait, vers une compréhension vraie de la société, ou vraie de la nature, etc. Et donc, à un certain moment, on va juste découvrir la vérité. On n'aura plus besoin de recherche scientifique, plus besoin de réfléchir sur le monde, on aura juste trouvé ce qui est vrai. Et ça, c'est une des caractéristiques un peu centrales de la philosophie. C'est que beaucoup de philosophes, par leur méthode, essaient de créer ce qu'on appelle un système. C'est-à-dire que, par l'application de leur méthode philosophique, au bout d'un certain temps, on finira par trouver ce qui est vrai et ce qui est la vérité. Et donc, on n'aura plus besoin de faire de recherches scientifiques, plus besoin de faire de recherches sociales. On aura créé la société parfaite, par exemple. Et ça, en fait, c'est la totale opposition de ce que c'est la dialectique. Parce que la dialectique, c'est dire que tout est en continuel mouvement, tout est en continuelle transformation, tout est en continuelle évolution. Et donc, quelque chose qui est vrai aujourd'hui, demain peut être faux. Et donc que la vérité absolue, elle n'existe pas. Mais Hegel, il entre dans cette contradiction où il cherche à enfermer sa méthode philosophique, sa méthode dialectique dans un système, parce que c'est un peu les limitations de son époque. Et c'est un peu les modèles philosophiques aussi de son époque. Et ça, par exemple, ça va l'amener à dire que Bismarck, qui est le dirigeant de l'Allemagne à l'époque, il a réussi à faire le système absolu. Il dira que le gouvernement de Bismarck, c'est la réalisation de l'idée absolue de la société sur Terre. Genre que le système de Bismarck, par exemple, c'est la perfection. Et que, donc, vu qu'il va toujours exister, c'est quelque chose de vrai. Bon, comme vous le voyez actuellement, Bismarck, il est plus à la tête de l'Allemagne, donc ça, c'était pas totalement vrai. Mais là, ça va nous amener à, maintenant qu'on a expliqué le matérialisme et la dialectique, son évolution au cours de l'histoire, on va pouvoir faire enfin le pas. Marx, c'est un hegelien à la base, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié Hegel et qui donc se considérait comme dialecticien, mais il voyait bien que la société de Bismarck, elle subissait des remous, qu'elle n'était pas éternelle et que ce n'était pas un système parfait. Et il a commencé à se poser beaucoup de questions, et notamment, il voyait qu'il y avait quelque chose de contradictoire dans la philosophie de Hegel, et il va être amené à se dire, toute la philosophie de Hegel, elle est basée sur un mouvement d'idées, mais d'où est-ce qu'elles viennent, les idées ? Et il va en fait chercher à littéralement se poser cette question, qu'est-ce que c'est l'origine des idées? Et à son époque, il y avait un autre grand philosophe qui s'appelle Ludwig Feuerbach, qui va lui remettre encore une nouvelle fois le matérialisme d'actualité en faisant toute une thèse contre le christianisme, où il va dire qu'en fait Dieu c'est l'homme, et Dieu c'est une création de l'homme, et que il va remettre un peu encore à jour toutes ces thèses que c'est la société qui façonne la pensée humaine, etc. Et donc Marx, influencé par Feuerbach, par cette influence-là, il va chercher un peu l'origine des idées, et lui il va l'avoir dans la matière. Mais lui, à la différence de Feuerbach, il va vraiment mettre ça profondément sur, avec les lois dialectiques de Hegel. C'est-à-dire que, pour lui maintenant, les idées elles se développent grâce à la matière, et la matière, elle, elle est en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution. Ce qui est vrai, si vous regardez les atomes, ils sont tout le temps en mouvement. Si vous regardez plus profondément la mécanique quantique, en fait, on se rend compte que la matière elle est composée d'éléments extrêmement petits qui se dépassent à des vitesses proches de la lumière, et qu'en fait, toute notre... Et que même, si vous regardez Einstein, il a juste pas la formule E égale MC2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que E, c'est l'énergie égale la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Ça veut, quand ça dit comme ça, ça veut rien dire. Mais si on regarde un peu ce que ça veut dire réellement, ça veut dire juste dire que la masse d'un objet, son poids, il est déterminé par la quantité d'énergie de ses liaisons atomiques. C'est-à-dire que littéralement, la masse et l'énergie, c'est la même chose. Que la matière et l'énergie, c'est la même chose. L'énergie étant en fait une forme du mouvement, on se rend juste compte que la forme d'existence de la matière, c'est le mouvement. Et que s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de matière. Et littéralement, s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de matière non plus. Pour avoir du mouvement, il faut de la matière. Et pour qu'il y ait de la matière, il faut du mouvement. C'est deux choses qui sont inséparables. Donc on se rend compte que la matière, elle est tout le temps en mouvement. Et donc ça paraît même assez logique. Sinon, on est constitué de matière. Sinon, on est des individus qui sont constitués d'éléments qui sont en perpétuel mouvement, qui sont en perpétuelle transformation, et comme on le voit avec Darwin aussi. Darwin, sa théorie, c'est une théorie profondément matérialiste et dialectique. C'est-à-dire que les êtres vivants, ils sont en confrontation avec la nature, et ils s'adaptent à cette nature, et ils évoluent en fonction de cette nature. Et donc, si nous on évolue, si la matière dont on est composé évolue, si tout est en mouvement autour de nous, pourquoi est-ce que nos idées, pourquoi est-ce que notre façon de voir nos sociétés, elles seraient des choses fixes, et figées et éternelles? C'est ça, au final, la philosophie dialectique, c'est voir que c'est appliquer toutes ces lois de la nature à la société. Donc, un des principes de Marx, c'est que Marx, il va abandonner cette idée de système. Il va dire que la vérité absolue, elle n'existe pas, et que ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain. Je ne sais pas si dans un million d'années on évolue, si ça se trouve, ce qui définit être un être humain, ce sera faux. Et moi... Et en fait, il va mettre sa philosophie sur une base qu'on appelle la praxis, c'est-à-dire que c'est la pratique philosophique, elle s'inscrit dans une démarche évolutive, c'est-à-dire qu'en fonction des découvertes, notre amélioration de la compréhension du monde, notre démarche philosophique, elle évolue, et notre compréhension de la philosophie, elle évolue. C'est-à-dire qu'il va même, la puissance de Marx, ça va être carrément de dire que la dialectique, c'est pas quelque chose d'éternel, et qu'en fonction des développements de la science et de la compréhension du monde, et bien la dialectique, elle va aussi évoluer et se transformer. Et cette pratique-là, elle est profondément révolutionnaire, parce que ça en vient à dire que, à la différence de tous les grands théoriciens de la bourgeoisie qui disent que le système capitaliste, il n'y a pas d'autre système qui peut exister, la dialectique, elle va dire que, comme tout système socio-économique depuis l'histoire de l'humanité, le capitalisme, il est voué à un moment à se transformer, à évoluer et à disparaître. Et que le capitalisme, il est lui aussi toujours en profonde transformation. Ce qu'on voit, le capitalisme du début du 18e et le capitalisme de maintenant, c'est des capitalismes qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc, c'est en ça, en fait, en quelque sorte, qu'elle dérange un peu la dialectique, c'est qu'elle va arriver et dire que... tout ce qui existe actuellement, toutes les institutions sociales... Même la morale, toutes ces choses-là, elles sont en perpétuelle évolution, en transformation. Et que tout ce que nous défendent là, un peu les grands idéologues bourgeois, c'est voué un jour ou l'autre à disparaître. Il n'y a rien d'éternel. Que ce soit la religion. Et ça dérange aussi au niveau religieux, qui disent par exemple que Dieu est éternel, que la morale chrétienne est éternelle, qu'elle a toujours existé. Donc. Je pense qu'une des choses intéressantes, c'est de se demander pourquoi, par exemple, Hegel, il n'a pas eu la même démarche que Marx. Et je pense qu'une des raisons principales, c'est que Marx, il est quand même né une trentaine voire quarantaine d'années après Hegel. Et juste Marx, il a assisté au développement de l'industrie capitaliste à travers le monde. Marx, il a grandi à... il a pas grandi, mais il a vécu en Allemagne une époque totalement différente. Après, il a vécu en Angleterre sous le boom industriel anglais, où littéralement le capitalisme industriel se développait à toute allure, où la majorité de la population était prolétaire. Et Marx, il a juste assisté à la théorie de Darwin de l'évolution, à une avancée des sciences juste fulgurante, parce qu'à cette époque-là, grâce au développement de l'industrie, il y a eu un développement des sciences juste monstrueux. Donc ce qui se passe, c'est que Marx, il avait juste plus de connaissances et plus de compréhension de la... Il avait juste des connaissances et il a vu une société totalement différente de celle de Hegel. Il a eu accès à des connaissances scientifiques que Hegel n'a pas eu accès. Peut-être que si Hegel il avait vu la théorie de Darwin, il aurait peut-être eu une interprétation différente de sa vie. Peut-être qu'il aurait remis en cause son modèle philosophique. Mais là, il ne l'a pas eu. Parce que ça, il y a peu de gens qui le savent, mais Marx, à la base, il voulait dédicacer le capital à Darwin, parce qu'il avait vu dans Darwin, trouvait que le livre, L'Origine des espèces de Darwin, ça lui avait permis d'améliorer sa compréhension de la philosophie, et c'était une œuvre majeure pour la compréhension de l'humanité. Ce qui est assez puissant. Et nous, je pense que si vous êtes intéressé au marxisme, vous avez déjà dû entendre le mot matérialisme historique. Qu'est-ce que c'est le matérialisme historique ? Parce que le matérialisme historique, si vous regardez, c'est l'application du matérialisme dialectique à l'histoire et aux autres, et un peu aux sciences sociales en général. Je vous dis ça maintenant parce que c'est une très belle transition. Là, je viens de vous expliquer pourquoi Marx il avait des idées différentes de celles de maintenant. Et je vous ai expliqué ça par le développement de l'industrie en Angleterre et l'apparition du capitalisme industriel. Mais si vous regardez pendant tout le long de la présentation, je vous ai à chaque fois dit que si les philosophes grecs ils avaient ce genre d'idées, c'est dû aux limitations de la connaissance. Si les philosophes des Lumières est apparu, c'est grâce qu'à leur époque, il y avait un développement du capitalisme marchand et donc plus de richesses, et donc plus de gens qui pouvaient vivre des sciences. C'était pas non plus anodin, c'était pas ce que je voulais un peu préparer pour me préparer un peu vos consciences pour vous amener par là. C'est que le matérialisme historique, il part du principe que c'est le développement, puisqu'il fait évoluer les sociétés, les consciences dans les sociétés, c'est le développement des forces productives, c'est-à-dire le développement de nos capacités de production et des richesses qu'on arrive à créer dans la société. Ça va être de dire que les idées qu'on observe, par exemple, durant l'Antiquité, elles sont dues en fait au modèle social de l'Antiquité. C'est-à-dire que le développement des forces productives il est assez faible sur l'Antiquité. On a besoin d'une masse gigantesque d'esclaves pour faire tout le travail. Et donc, dans ces sociétés, elles se divisent en deux classes, donc les esclaves et les esclavagistes. Et donc, de ces modèles sociaux-là, apparaissent des idées qui sont totalement différentes que les idées qu'on a maintenant. Par exemple, ça, ce qui est assez intéressant, c'est que moralement, sur la Grèce antique, l'esclavage était vu comme quelque chose de normal, même par les esclaves. Il partait juste du principe qu'il y avait des hommes qui devaient être esclaves et c'était quelque chose de normal. Et à notre époque, on pensait ça paraît juste horrible. Et on se dit, mais c'est totalement faux. Mais pourquoi est-ce qu'on pense différemment maintenant qu'à cette époque-là? Mais c'est parce que nous, on vit dans d'autres rapports de production. On n'a plus besoin d'esclaves actuellement grâce au développement de l'industrie capitaliste. Et nos modèles sociaux, ils sont construits totalement différemment. Parce que, littéralement, en fait, ce qui se passe... Et ce que je cherche à expliquer le matérialisme historique, c'est qu'il y a une structure, ce qu'on appelle les forces productives, et les rapports de production qui en découlent. C'est-à-dire, par exemple, sous le capitalisme, vous avez l'industrie, ça c'est les forces productives, et vous avez les rapports de production, c'est-à-dire les capitalistes qui possèdent l'industrie, et les prolétaires qui travaillent dans l'industrie. Ça c'est ce qu'on appelle la structure. Et sur cette structure-là se développe ce qu'on appelle une superstructure, c'est-à-dire toutes les idées qui en émergent, la religion, l'État, la culture, etc. Et que ces choses-là, elles sont en lien dialectique, c'est-à-dire que l'État qui émerge un peu du système capitaliste, lui, après, derrière, il va avoir aussi une influence sur, sur l'industrie, par exemple en mettant des lois, en créant, et comme la religion aussi, en créant des mœurs, etc. Et ils vont tous deux un petit peu s'auto-influencer et se transformer d'eux-mêmes par un mouvement perpétuel. Et en fait, les forces productives, en se développant et en se développant, en grossissant et en ayant des capacités de plus en plus importantes, elles finissent par toujours, à un certain moment, à entrer en contradiction avec les rapports de production qu'elles dominent. Par exemple, les esclavages, comme j'ai dit tout à l'heure, Hegel il disait que c'est l'esclavage qui a permis d'abolir l'esclavage. C'est-à-dire qu'à un certain moment, l'esclavage il développe les forces productives, jusqu'à un moment où l'esclavage il permet de produire beaucoup de richesses. On a une technologie pour produire dans les champs, qui fait qu'on n'a plus besoin d'opprimer des gens violemment pour nourrir toute la société. Hein. Donc, et pour permettre à la société de progresser, d'avancer. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation où vous vous retrouvez à continuer à faire de l'esclavage, à continuer à réduire des gens en esclavage alors qu'il n'y a plus ce besoin nécessaire? Donc les esclaves, au bout d'un moment, ils finissent par juste ne pas comprendre pourquoi on les met en esclavage et à se rebeller. Parce qu'ils deviennent une masse extrêmement nombreuse, parce qu'il y a les conditions pour faire vivre de plus en plus de personnes. Et le capitalisme, c'est aussi exactement ça. Au départ, on avait besoin un peu de ça. C'est-à-dire que quand le capitalisme il a commencé, c'était des petites industries, des petits de 10, 5, 15 personnes. Et maintenant, on a juste une industrie gigantesque qui emploie des dizaines de milliers de personnes, certaines entreprises même des centaines de milliers. Et on se retrouve dans une situation où c'est un actionnaire ou 10 actionnaires qui se retrouvent à gérer le travail de dizaines de milliers de personnes et d'essayer du sort un peu de... même beaucoup plus parce qu'ils ont un poids sur l'économie qui est gigantesque. Ce qui se passe, c'est que ça, c'est la principale contradiction que montre le matérialisme historique, c'est qu'on a une production qui est devenue sociale. C'est-à-dire que vous prenez une voiture, il y a des centaines de milliers, il y a des dizaines de milliers d'ouvriers qui ont travaillé dessus, parce que entre ceux qui ont récolté les matières premières, ceux qui ont transporté les matières premières à l'usine, ceux qui ont touché toutes les usines qui ont touché aux différentes pièces de production de notre voiture, tous les gens qui ont transporté ces différentes pièces dans les différentes usines, tous les gens qui ont cherché après à vendre ces pièces à d'autres endroits, ceux qui ont exporté votre voiture en produit final, ceux qui entretiennent votre voiture, au final, si vous regardez, on arrive à des dizaines de milliers de personnes qui ont touché votre voiture, donc une production totalement sociale, mais contrôlée par une mine, pas par une, par un, par, contrôlée de manière individuelle, c'est-à-dire que votre voiture, elle est créée par toute la société, elle permet de répondre aux besoins de la société, mais c'est pas la société qui en est le créateur, mais une espèce de minuscule classe sociale. Ça, c'est la principale contradiction du capitalisme. C'est-à-dire que c'est pas la société qui décide de ce qu'elle... La production, elle s'est tellement développée que c'est toute la société qui agit comme un corps ensemble pour produire nos besoins. Mais c'est pas la société qui décide de produire nos besoins, mais une minorité de capitalistes. Hein. C'est ça qui est à la base des crises de surproduction, des crises comme celle de 2008. Hein. Et ça, c'est ce que le matérialisme historique qui permet de comprendre. C'est que, en développant les... C'est que ça, à une époque, on a eu besoin de ce capitalisme comme... On avait besoin du capitalisme pour développer les forces productives, mais maintenant il les a tellement développées qu'il devient inutile et qu'il tient même un frein au développement des forces productives. Parce qu'il y a plein de besoins sociaux que l'ensemble de la société a besoin, mais qui ne sont pas productifs, qui ne permettent pas de faire de profit, et que cette minorité de classe capitaliste ne va pas faire. Ça fait partie de ces contradictions qui émergent. Donc, ça c'est un... C'est un petit peu, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le matérialisme historique, il a démontré que après la disparition du communisme primitif, on est rentré dans les sociétés de classe, et qu'à chaque fois, c'est ce mouvement dans les rapports de production entre la classe dominante et la classe dominée qui va devenir un peu le moteur de la société, ce qu'on appelle la lutte des classes. Donc, peut-être pour conclure, je vais demander de dire un petit peu de temps pour un peu résumer un peu toutes les idées de la présentation. Il y a la philosophie, c'est une méthode. C'est-à-dire c'est un moyen d'arriver à nos idées, d'arriver à nos conclusions, d'arriver à interpréter les faits empiriques qu'on voit. La dialectique, c'est une étude qui permet de voir que le monde il est en perpétuel mouvement, peut-être contradiction. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient compléter la logique formelle, ça ne va pas dire que 2 plus 2 est faux. Et si vous prenez par exemple 2 kilos de sucre, ils sont en perpétuelle transformation, ils ne sont jamais égaux à eux-mêmes. Si vous regardez au microscope, vous verrez que votre sucre il est tout le temps différent, il est tout le temps en évolution, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre par la logique formelle, mais qui dans la vie de tous les jours, la logique formelle permet de répondre. Mais si on commence à avoir une démarche scientifique, à vouloir aller plus loin, il nous faut la dialectique. Par exemple, la logique formelle, elle est incapable d'expliquer ce qui se passe en physique quantique, parce qu'un quanta, il peut être à deux endroits en même temps. Parce que c'est un élément tellement petit qu'il se passe à des vitesses tellement grandes qu'il est à deux endroits en même temps. C'est-à-dire qu'il est à la fois à la position 1 et à la fois à la position 2. Si vous analysez ça avec de la logique formelle, vous ne pouvez pas réussir à faire quoi que ce soit avec la physique quantique. Et c'est, si je devais encore dire les choses un peu importantes, c'est dire que la matière, les développements des forces productives, les conditions d'existence matérielle, c'est un peu ce qui est au cœur de nos sociétés. Et que c'est leur mouvement et leur développement qui permet le développement des idées et la transformation des idées. Et donc, vu que tout est en perpétuel mouvement, tout est en perpétuelle transformation, rien n'est éternel, et que la société capitaliste, elle n'est pas éternelle et qu'elle finira un jour par disparaître. Merci Eric.